ngange zambi mocho azola mimba inkwise ye miyake yendangwendi bwala ketomba luzingu miyake zungunanga mali mala ketomba momie Mamá me tu pusa, tata la guana. Mamá me tu malade, malade de jalousie. Décidé, tu n'as qu'à choisir. L'amour, ça fait maigrir. Achetez cola, payez cola.